Seconde partie, chapitre 1er. Suppression de mon ouvrage sur l'Allemagne, exil hors de France. Ne pouvant plus rester dans le château de Chaumont, dont les maîtres étaient revenus d'Amérique, j'allais m'établir dans une terre appelée Fossé, qu'un ami généreux me prêta. Cette terre était l'habitation d'un militaire vendéen qui ne soignait pas beaucoup sa demeure, mais dont la loyale bonté rendait tout facile et l'esprit original tout amusant. À peine arrivé, un musicien italien que j'avais avec moi pour donner des leçons à ma fille se mit à jouer de la guitare. Ma fille accompagnait sur la harpe la douce voix de ma belle amie, Madame Récamier. Les paysans se rassemblaient autour des fenêtres, étonnés de voir cette colonie de troubadours qui venait animer la solitude de leur maître. C'est là que j'ai passé mes derniers jours de France, avec quelques amis dont le souvenir vit dans mon cœur. Certes, cette réunion si intime, ce séjour si solitaire, cette occupation si douce des beaux-arts ne faisaient de mal à personne. Nous chantions souvent un charmant air qu'a composé la reine de Hollande et dont le refrain est « Fais ce que je dois, advienne que pourra ». Après dîner, nous avions imaginé de nous placer autour d'une table verte et de nous écrire au lieu de causer ensemble. Ces tête-à-tête variés et multipliés nous amusaient tellement que nous étions impatients de sortir de table où nous nous parlions pour venir nous écrire. Quand il arrivait par hasard des étrangers, nous ne pouvions supporter d'interrompre nos habitudes et notre petite poste, c'est ainsi que nous l'appelions, allait toujours son train. Les habitants de la ville voisine s'étonnaient un peu de ces manières nouvelles et les prenaient pour de la pédanterie, tandis qu'il n'y avait dans ce jeu qu'une ressource contre la monotonie de la solitude. Un jour, un gentilhomme des environs, qui n'avait pensé de sa vie qu'à la chasse, vint pour emmener mes fils dans ses bois. Il resta quelque temps assis à notre table, active et silencieuse. Madame Récamier écrivit de sa jolie main un petit billet à ce gros chasseur pour qu'il ne fût pas trop étranger au cercle dans lequel il se trouvait. Il s'excusa de le recevoir en assurant qu'à la lumière il ne pouvait pas lire l'écriture. Nous rîmes un peu du revers qu'éprouvait la bienfaisante coquetterie de notre belle amie et nous pensâmes qu'un billet de sa main n'aurait pas toujours eu le même sort. Notre vie se passait ainsi sans que le temps, si j'en puis juger par moi, fut un fardeau pour personne. L'opéra de Cendrillon faisait beaucoup de bruit à Paris. Je voulus l'aller voir représenter sur un mauvais théâtre de province, à Blois. En sortant à pied, les habitants de la ville me suivirent par curiosité, plus avides de me connaître comme exilé que sous tout autre rapport. Cette espèce de succès que le malheur me valait, plus encore que le talent, donna de l'humeur au ministre de la police, qui écrivit quelque temps après au préfet de Loir-et-Cher que j'étais environné d'une cour. « Certes, répondis-je au préfet, ce n'est pas du moins la puissance qui me la donne. » J'étais toujours résolu à me rendre en Angleterre par l'Amérique, mais je voulais terminer l'impression de mon livre sur l'Allemagne. La saison s'avançait, nous étions déjà au 15 septembre, et j'entrevoyais que la difficulté de m'embarquer avec ma fille me retiendrait encore l'hiver dans je ne sais quelle ville, à 40 lieues de Paris. J'ambitionnais alors Vendôme, où je connaissais quelques gens d'esprit et d'où la communication avec la capitale était facile. Après avoir eu jadis l'une des plus brillantes maisons de Paris, je me représentais comme une vive satisfaction de m'établir à Vendôme. Le sort ne m'accorda pas ce modeste bonheur. Le 25 septembre, je corrigeais la dernière épreuve de l'Allemagne. Après 6 ans de travail, ce m'était une vraie joie de mettre le mot fin à mes 3 volumes. Je fis la liste des 100 personnes à qui je voulais les envoyer dans les différentes parties de la France et de l'Europe. J'attachais un grand prix à ce livre, que je croyais propre à faire connaître des idées nouvelles à la France. Il me semblait qu'un sentiment élevé, sans être hostile, l'avait inspiré, et qu'on y trouverait un langage qu'on ne parlait plus. Muni d'une lettre de mon libraire, qui m'assurait que la censure avait autorisé la publication de mon ouvrage, je crus n'avoir rien à craindre, et je partis avec mes amis pour une terre de M. Mathieu de Montmorency. qui est à 5 lieues de Blois. L'habitation de cette terre est au milieu d'une forêt. Je m'y promenais, avec l'homme que je respecte le plus dans le monde, depuis que j'ai perdu mon père. La beauté du temps, la magnificence de la forêt, les souvenirs historiques que retraçait ce lieu où s'est donnée la bataille de Frédéval, entre Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion, tout contribuait à mettre mon âme dans la disposition la plus douce et la plus calme. Mon digne ami, qui n'est occupé sur cette terre que de mériter le ciel, dans cette conversation, comme dans toutes celles que nous avions eues ensemble, ne s'occupait point des affaires du temps et ne cherchait qu'à faire du bien à mon âme. Nous repartîmes le lendemain, et dans ces plaines du Vendômois, où l'on ne rencontre pas une seule habitation, et qui, comme la mer, semblent offrir partout le même aspect, nous nous perdîmes complètement. Il était déjà minuit, et nous ne savions quelle route suivre, dans un pays toujours le même, et dont la fécondité est aussi monotone que pourrait l'être ailleurs la stérilité. Lorsqu'un jeune homme à cheval, se doutant de notre embarras, vint nous prier de passer la nuit dans le château de ses parents. Note. Le château de Conant, appartenant à M. Chevalier, aujourd'hui préfet du Var. Nous acceptâmes cette invitation qui était un vrai service, et nous nous trouvâmes tout à coup au milieu du luxe de l'Asie et de l'élégance de la France. Les maîtres de la maison avaient passé beaucoup de temps dans l'Inde, et leur château était orné de tout ce qu'ils avaient apporté de leur voyage. Ce séjour excitait ma curiosité, et je m'y trouvais à merveille. Note. Inquiet de ne pas voir arriver ma mère, j'étais monté à cheval pour aller à sa rencontre, afin d'adoucir, autant qu'il était en moi, la nouvelle qu'elle devait apprendre à son retour. Mais je m'égarais comme elle dans les plaines uniformes du Vendômois, et ce ne fut qu'au milieu de la nuit qu'un heureux hasard me conduisit à la porte du château où on lui avait donné l'hospitalité. Je fis réveiller M. de Montmorency, et après lui avoir appris le surcroît de persécution que la police impériale dirigeait contre ma mère, je repartis pour achever de mettre ses papiers en sûreté, laissant à M. de Montmorency le soin de la préparer au nouveau coup qui la menaçait. Note de M. de Staël, fils. Le lendemain, M. de Montmorency me remit un billet de mon fils, qui me pressait de revenir chez moi, parce que mon ouvrage éprouvait de nouvelles difficultés à la censure. Mes amis, qui étaient avec moi dans le château, me conjuraient de partir. Je ne devinais point ce qu'ils me cachaient, et, m'en tenant à la lettre de ce que m'écrivait Auguste, je passais mon temps à examiner toutes les raretés de l'Inde sans me douter de ce qui m'attendait. Enfin, je montai en voiture, et mon brave et spirituel Vendéen, que ses propres périls n'avaient jamais ému, me serra la main les larmes aux yeux. Je compris alors qu'on me faisait un mystère de quelque nouvelle persécution, et M. de Montmorency, que j'interrogeais, m'apprit que le ministre de la police avait envoyé ses agents pour mettre en pièces les 10 000 exemplaires qu'on avait tirés de mon livre, et que j'avais reçu l'ordre de quitter la France sous 3 jours. Mes enfants et mes amis n'avaient pas voulu que j'apprisse une telle nouvelle chez des étrangers, mais ils avaient pris toutes les précautions possibles pour que mon manuscrit ne fût pas saisi, et ils parvinrent à le sauver quelques heures avant qu'on vînt me le demander. Cette nouvelle douleur me prit l'âme avec une grande force. Je m'étais flatté d'un succès honorable par la publication de mon livre. Si les censeurs m'eussent refusé l'autorisation de l'imprimer, cela m'aurait paru simple. Mais, après avoir subi toutes leurs observations, après avoir fait les changements qu'ils exigeaient de moi, apprendre que mon livre était mis au pilon et qu'il fallait me séparer des amis qui soutenaient mon courage, cela me fit verser des larmes. J'essayais cependant encore cette fois de me surmonter pour réfléchir à ce qu'il fallait faire dans une situation où le parti que j'allais prendre pouvait tant influer sur le sort de ma famille. En approchant de la maison que j'habitais, je donnai mon écritoire, qui renfermait encore quelques notes sur mon livre, à mon fils cadet. Il sauta par-dessus un mur pour entrer dans l'habitation par le jardin. Une Anglaise, mon excellente amie, vint au-devant de moi pour m'avertir de tout ce qui s'était passé. J'apercevais de loin les gendarmes qui erraient autour de ma demeure, mais il ne paraît pas qu'ils me cherchassent. Ils étaient sans doute à la poursuite d'autres malheureux, de conscrits, d'exilés, de personnes en surveillance, enfin de toutes les classes d'opprimés qu'a créé le régime actuel de la France. Le préfet de Loir-et-Cher vint me demander mon manuscrit. Je lui donnai, pour gagner du temps, une mauvaise copie qui me restait et dont il se contenta. J'ai appris qu'il avait été très maltraité peu de mois après pour le punir de m'avoir montré des égards. Le chagrin qu'il ressentit de la disgrâce de l'empereur a, dit-on, été une des causes de la maladie qui l'a fait périr dans la force de l'âge. Malheureux pays, que celui où les circonstances sont telles qu'un homme de son esprit et de son talent succombe au chagrin d'une défaveur. Je vis dans les papiers que des vaisseaux américains étaient arrivés dans les ports de la Manche, et je me décidai à faire usage de mon passeport pour l'Amérique, espérant qu'il me serait possible de relâcher en Angleterre. Il me fallait quelques jours, dans tous les cas, pour me préparer à ce voyage, et je fus obligé de m'adresser au ministre de la police pour demander ce peu de jours. On a déjà vu que l'habitude du gouvernement français est d'ordonner aux femmes, comme à des soldats, de partir dans les 24 heures. Voici la réponse du ministre. Il est curieux de voir ce style-là. Police générale, cabinet du ministre, Paris, 3 octobre 1810. J'ai reçu, madame, la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire. Monsieur votre fils a dû vous apprendre que je ne voyais pas d'inconvénient à ce que vous retardassiez votre départ de 7 à 8 jours. Je désire qu'il suffise aux arrangements qui vous restent à prendre, parce que je ne puis vous en accorder davantage. Il ne faut point rechercher la cause de l'ordre que je vous ai signifié dans le silence que vous avez gardé à l'égard de l'empereur dans votre dernier ouvrage. Ce serait une erreur. Il ne pouvait pas y trouver de place qui fût digne de lui. Mais votre exil est une conséquence naturelle de la marche que vous suivez constamment depuis plusieurs années. Il m'a paru que l'air de ce pays-ci ne vous convenait point, et nous n'en sommes pas encore réduits à chercher des modèles dans les peuples que vous admirez. Votre dernier ouvrage n'est point français. C'est moi qui en ai arrêté l'impression. Je regrette la perte qu'il va faire éprouver au libraire, mais il ne m'est pas possible de le laisser paraître. Vous savez, madame, qu'il ne vous avait été permis de sortir de Copé que parce que vous aviez exprimé le désir de passer en Amérique. Si mon prédécesseur vous a laissé habiter le département de Loir-et-Cher, vous n'avez pas dû regarder cette tolérance comme une révocation des dispositions qui avaient été arrêtées à votre égard. Aujourd'hui, vous m'obligez à les faire exécuter strictement. Il ne faut vous en prendre qu'à vous-même. Je mande à M. Corbigny de tenir la main à l'exécution de l'ordre que je lui ai donné lorsque le délai que je vous accorde sera expiré. Je suis au regret, madame, que vous m'ayez contraint de commencer ma correspondance avec vous par une mesure de rigueur. Il m'aurait été plus agréable de n'avoir qu'à vous offrir le témoignage de la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être, madame, votre très humble et très obéissant serviteur. Signé le duc de Rovigo. Post-scriptum. J'ai des raisons, madame, pour vous indiquer les ports de Lorient, La Rochelle, Bordeaux et Rochefort comme étant les seuls ports dans lesquels vous pouvez vous embarquer. Je vous invite à me faire connaître celui que vous aurez choisi. Ce post-scriptum est facile à comprendre. Il avait pour but de m'empêcher d'aller en Angleterre. Le ton mielleux avec lequel on me dit que l'air de ce pays ne me convient pas. La dénégation de la véritable cause qui avait fait supprimer mon livre sont dignes de remarque. En effet, le ministre de la police avait montré plus de franchise en s'exprimant verbalement sur mon affaire. Il avait demandé pourquoi je ne nommais ni l'empereur ni les armées dans mon ouvrage sur l'Allemagne. Mais, lui répondit-on, l'ouvrage étant purement littéraire, je ne vois pas comment un tel sujet aurait pu y être amené. Pense-t-on, dit alors le ministre, que nous ayons fait 18 années la guerre en Allemagne pour qu'une personne d'un nom aussi connu imprime un livre sans parler de nous? Ce livre sera détruit et nous aurions dû mettre l'auteur à Vincennes. En recevant la lettre du ministre de la police, je ne fis attention qu'à une seule phrase, celle qui m'interdisait les ports de la Manche. J'avais déjà appris que, soupçonnant mon intention d'aller en Angleterre, on cherchait à m'en empêcher. Ce nouveau chagrin était vraiment au-dessus de mes forces. En quittant ma patrie naturelle, il me fallait celle de mon choix. En m'éloignant des amis de ma vie entière, il me fallait au moins trouver ces amis de tout ce qui est bon et noble, avec lesquels, sans les connaître personnellement, l'âme est toujours en sympathie. Je vis s'écrouler à la fois tout ce qui soutenait mon imagination. Je voulus un moment encore m'embarquer sur un vaisseau chargé pour l'Amérique, dans l'espoir qu'il serait pris en route. Mais j'étais trop ébranlé pour me décider à une résolution si forte, et, comme on me donnait pour toute alternative l'Amérique ou Copé, je m'arrêtai à ce dernier parti, car un sentiment profond m'attirait toujours vers Copé, malgré les peines qu'on m'y faisait éprouver. Mes deux fils essayèrent de voir l'empereur à Fontainebleau, où il était alors. On leur fit dire qu'ils seraient arrêtés s'ils y restaient. À plus forte raison m'était-il interdit à moi d'y aller. Il fallait retourner en Suisse, de Blois où j'étais, sans m'approcher de Paris à moins de 40 lieues. Le ministre de la police avait dit, en termes de corsaire, qu'à 38 lieues, j'étais de bonne prise. Ainsi, quand l'empereur exerce le droit arbitraire de l'exil, ni la personne exilée, ni ses amis, ni même ses enfants ne peuvent arriver à lui pour plaider la cause de l'infortuné, qu'on arrache à ses affections et à ses habitudes. Et ces exils, qui maintenant sont irrévocables, surtout quand il s'agit des femmes, ces exils que l'empereur lui-même a appelés avec raison des proscriptions, sont prononcés sans qu'il soit possible de faire entendre aucune justification, en supposant que le tort d'avoir déplu à l'empereur en admette une. Quoique les 40 lieues me fussent ordonnées, il me fallut passer par Orléans, ville assez triste, mais où habitent de très pieuses personnes, qui se sont retirées dans cet asile. En me promenant à pied dans la ville, je m'arrêtai devant le monument élevé au souvenir de Jeanne d'Arc. Certes, pensais-je alors, quand elle délivra la France du pouvoir des Anglais, cette France était encore bien plus libre, bien plus France qu'à présent. C'est une sensation singulière que d'errer ainsi dans une ville où l'on ne connaît qui que ce soit et où l'on n'est pas connu. Je trouvais une sorte de jouissance amère à me pénétrer de mon isolement, à regarder encore cette France que j'allais quitter peut-être pour toujours, sans parler à personne, sans être distraite de l'impression que le pays même faisait sur moi. Quelquefois, ceux qui passaient s'arrêtaient pour me regarder, parce que j'avais, je pense, malgré moi, une expression de douleur, mais ils continuaient bientôt après leur route, car, depuis longtemps, on est bien accoutumé à voir souffrir. À 50 lieues de la frontière de Suisse, la France est hérissée de citadelles, de maisons d'arrêt, de villes servant de prison, et l'on ne voit partout que des individus contraints par la volonté d'un seul homme, des conscrits du malheur qui sont tous enchaînés loin des lieux où ils voudraient vivre. À Dijon, des prisonniers espagnols qui avaient refusé de prêter le serment venaient sur la place de la ville sentir le soleil à midi, parce qu'ils le prenaient alors un peu pour leurs compatriotes. Ils s'enveloppaient d'un manteau souvent déchiré, mais qu'ils savaient porter avec noblesse, et ils s'enorgueillissaient de leur misère qui venait de leur fierté. Ils se complaisaient dans leurs souffrances qui les associaient au malheur de leur intrépide patrie. On les voyait quelquefois entrer dans un café seulement pour lire la gazette, afin de pénétrer le sort de leurs amis à travers les mensonges de leurs ennemis. Leur visage était alors immobile, mais non sans expression, et l'on y apercevait la force réprimée par la volonté. Plus loin, à Auxonne, était la demeure de prisonniers anglais qui, la veille, avait sauvé de l'incendie une des maisons de la ville où on les tenait enfermés. À Besançon, il y avait encore des Espagnols. Parmi les exilés français qu'on rencontre dans toute la France, une personne angélique habitait la citadelle de Besançon pour ne pas quitter son père. Depuis longtemps et à travers tous les genres de périls, Mademoiselle de Saint-Simon partageait le sort de celui qui lui a donné la vie. À l'entrée de la Suisse, sur le haut des montagnes qui la séparent de la France, on aperçoit le château de Joux, dans lequel sont détenus des prisonniers d'État, dont souvent le nom même ne parvient pas à leurs parents. C'est dans cette prison que Toussaint Louverture est mort de froid. Il méritait son malheur puisqu'il avait été cruel. Mais l'homme qui avait le moins droit de le lui infliger, c'était l'empereur, puisqu'il s'était engagé à lui garantir sa liberté et sa vie. Je passais au pied de ce château un jour où le temps était horrible. Je pensais à ce nègre transporté tout à coup dans les Alpes, et pour qui ce séjour était l'enfer de glace. Je pensais à de plus nobles êtres qui y avaient été renfermés, à ceux qui y gémissaient encore, et je me disais aussi que, si j'étais là, je n'en sortirais de ma vie. Rien ne peut donner l'idée au petit nombre de peuples libres qui restent encore sur la terre de cette absence de sécurité, état habituel de toutes les créatures humaines sous l'empire de Napoléon. Dans les autres gouvernements despotiques, il y a des usages, des lois, une religion que le maître n'enfreint jamais, quelque absolu qu'il soit. Mais en France, et dans l'Europe, France, comme tout est nouveau, le passé ne saurait être une garantie, et l'on peut tout craindre comme tout espérer, suivant qu'on sert ou non les intérêts de l'homme qui ose se donner lui-même et lui seul pour but à la race humaine entière.